Chapitre 4. Le départ du jeune ami. Quand ton grand-père, monsieur le président du tribunal Münch, obtint de l'avancement en 1865, me dit le brigadier Frédéric, et qu'il partit pour la Bretagne, d'une certaine façon cela me fit plaisir, car il méritait d'avancer. On n'a jamais vu d'homme plus savant ni meilleur, sa place n'était pas à Saverne. Mais d'un autre côté, j'en eus aussi beaucoup de chagrin. Mon père, l'ancien forestier de Dosenheim, ne m'avait jamais parlé de monsieur le président Münch qu'avec le plus grand respect, me répétant sans cesse que c'était notre bienfaiteur, qu'il avait toujours aimé notre famille. Moi-même, je lui devais le bon poste de la Steinbach, et c'est aussi sur sa recommandation que j'avais obtenu ma femme, Catherine Brua, la fille unique de l'ancien brigadier Martin Brua. D'après cela, tu penses bien que, en allant faire mes rapports à Saverne, je regardais toujours avec attendrissement cette bonne maison où j'avais été si bien reçue pendant 20 ans. Je regrettais ce brave homme, cela me serrait le cœur. Et naturellement, nous étions aussi beaucoup privés de ne plus te voir arriver en vacances à la maison forestière. Nous en avions tellement pris l'habitude que longtemps d'avance nous disions « Voici le mois de septembre qui s'approche, le petit Georges va bientôt venir ». Ma femme dressait le lit en haut, elle mettait de la lavande entre les draps bien blancs, elle lavait le plancher et les vitres. Moi, je préparais les lacets pour les grives et les amorces de toutes sortes pour les truites. J'allais réparer sous les roches notre hutte aux mésanges. J'essayais les sifflets pour la pipée. Et j'en faisais de nouveau avec du plomb et des os d'oie. J'arrangeais tout en ordre dans nos boîtes, les hameçons, les cordeaux, les mouches en plumes de coq, riant d'avance du plaisir de te voir farfouiller là-dedans, de t'entendre me dire « Écoutez, père Frédéric, il faudra m'éveiller demain à 2 heures sans faute, nous partirons longtemps avant le jour. » Je savais bien que tu dormirais comme un loir, jusqu'à ce que je vienne te secouer en te reprochant ta paresse. Mais le soir, avant de te coucher, tu voulais toujours être debout à 2 heures, et même à minuit, cela me réjouissait. Et puis je te voyais déjà dans la hutte, tellement tranquille pendant que je pipais, que tu n'osais presque pas respirer. Je t'entendais frémir sur la mousse, quand les jais et les grives arrivaient, tournoyant pour voir sous les feuilles, je t'entendais murmurer tout bas « En voici, en voici !» Tu ne te possédais plus, jusqu'à l'arrivée du grand nuage des mésanges, qui ne vient guère qu'au petit jour. Oui, Georges, tout cela faisait ma joie, et j'attendais les vacances peut-être avec autant d'impatience que toi. Notre petite Marie-Rose aussi se faisait une joie de te revoir bientôt. Elle se dépêchait de tresser de nouvelles nasses et de réparer les mailles des filets rompus l'année d'avant. Mais alors tout était fini, tu ne devais plus revenir, nous le savions bien. 2 ou 3 fois, cet imbécile de Calas qui gardait nos vaches dans la prairie, voyant passer de loin sur l'autre pente de la vallée des gens qui se rendaient à Dosenheim, accourut en criant la bouche ouverte jusqu'aux oreilles. « le voici, c'est lui, je l'ai reconnu, il a son paquet sous le bras !» Ragot aboyait sur les talons de cet idiot. J'aurais voulu les assommer tous deux, car nous avions appris ton arrivée à Rennes. Monsieur le président lui-même avait écrit que tu regrettais tous les jours la Steinbach. J'étais bien d'assez mauvaise humeur, sans entendre des cris pareils. Souvent aussi ma femme et Marie-Rose, en rangeant les fruits sur le plancher du grenier, disaient « Quelle belle poire fondante !» « Quelle bonne rainette grise! Ah, si Georges revenait, c'est lui qui roulerait là-haut du matin au soir. Il ne ferait que monter et descendre l'escalier. » Et l'on souriait, les larmes aux yeux. Et combien de fois, moi-même, rentrant de la pipée et jetant sur la table mes chapelets de mésanges, ne me suis-je pas écrié « Tenez, en voilà 10, 15 douzaines !» À quoi cela sert-il maintenant? Le petit n'est plus là, autant les donner au chat. Moi, je m'en moque pas mal. C'est vrai, Georges, je n'ai jamais eu le goût des mésanges, ni même des grives. J'ai toujours mieux aimé un bon quartier de bœuf, et de temps à autre seulement un peu de gibier pour changer. Enfin, c'est ainsi que se passèrent les premiers temps après votre départ.